Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bienvenue sur Radio Gemozo pour cette nouvelle édition de l'Heure des Loups, la quotidienne de 18h à 19h sur le 107. Pour cette émission, comme je l'avais déjà annoncé dans mon émission d'hier soir et sur Facebook, on va en effet parler de la convention la Japan Addict Z, spéciale Ghibli organisée par l'association Kakemono, à qui je passe le bonjour si elle m'écoute. C'était le 2 juin, je crois, je me suis rendue à Strasbourg à cette convention geek cosplay. Donc il était peut-être temps que je fasse un petit tri dans les émissions que j'avais en rab et que je vous montre un petit peu ce que j'avais fait là-bas. Il y a juste une interview que j'ai pas passée, mais c'est pas grave, c'est avec des bouddhistes. Je pense qu'on fera une émission dédiée au bouddhisme ultérieurement. Enfin bref, je vous retiens pas beaucoup plus longtemps, mais j'ai une ou deux petites choses tant qu'à faire, hein, vu que je les dirai pas au moment de la conclusion. Voilà, ça vous le savez, hein, je suis une grande passionnée de cosplay et de culture du Japon. D'ailleurs, vous savez que je suis partie assez récemment en vacances au Japon. Ça aussi, je ferai une émission dédiée à ce sujet. Et voilà, encore une fois, c'était une ambiance bon enfant, très sympa, plein de stands, plein d'événements. D'ailleurs, j'ai pu voir, hein, il y avait un concours de cosplay avec un Freddie Mercury dans le costume du clip I Want to Break Free. Très content d'avoir pu assister à ça. J'ai fait des rencontres, j'ai vu différents stands. S'il y a quelque chose que je dois vous dire aussi, c'est que les interviews que j'ai faites ne sont pas dans l'ordre et vous allez finir par comprendre pourquoi. Et enfin, s'il y a une chose que je vais me permettre de dire, s'il y a peut-être des photographes amateurs qui m'écoutent, c'est une petite mise en garde et pour les photographes, et je fais ça en mon nom mais aussi au nom des autres journalistes surtout qui travaillent dans le son, s'il vous plaît, si vous voulez prendre un cosplayer en photo, je pense qu'il n'y a pas de problème, faut voir ça avec le cosplayer, mais quand vous voyez quelqu'un mener une interview, attendez que l'interview soit finie. J'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour mener une interview avec une cosplayeuse. C'était légèrement agaçant, mais ça m'a pas empêché de la finir jusqu'au bout. Voilà, je suis très contente au moins d'avoir pu faire ça. Encore une fois, merci à l'association Kakemono de m'avoir ouvert les portes de cette Japan Addict Z4 spéciale Ghibli. Et comme je l'ai déjà fait plus d'une fois, hein, ce sera alternance entre musique qui vont annoncer un petit peu l'univers de la personne que j'aurai interviewée. Si d'ailleurs ça vous chante, vous pouvez m'indiquer, hein, sur ma page, enfin pas sur ma page, sur la page Facebook de la radio, donc Radio Gemozo, ou sinon sur ma boîte mail lou@radiogemozo.eu si vous avez reconnu des musiques en particulier ou des thèmes, même s'ils sont indiqués juste après, mais vous inquiétez pas, c'est toujours marrant un petit peu de converser avec vous. Enfin voilà, donc je vous laisse avec les interviews, les musiques et on se retrouve pour la conclusion. Parmi les nombreux stands qu'on trouve à la Japan Addict édition spéciale Ghibli, je suis tombée sur un stand de bijoux un peu steampunk et vintage, je trouve. Il s'agit du stand d'Aurélie. Ton stand s'appelle Yuki Ona, c'est bien ça ? Oui, c'est ça. Alors, est-ce que tu peux peut-être expliquer aux auditeurs ce que tu fais ? Parce que je vois, il y a des rats de cou, des bracelets, des... je crois des broches, il y a un petit peu de tout, et vraiment dans l'univers steampunk, donc métallique un petit peu ancien, je vois des rouages, je vois plein de choses comme ça, alors voilà, c'est ça l'étendue, c'est ça le travail que tu fais ? Oui, alors moi je fais des bijoux en général, donc comme tu as dit, les colliers, les rats de cou, les bracelets. Du coup en fait j'achète des pièces toutes faites comme les perles, les strass, les éléments, je les assemble. Et j'achète aussi ma dentelle que je mets en place. Mais en fait, je fais vivre ce bijou avec mes différents éléments. Et je fais aussi mes propres sculptures que je tire en résine pour en faire des bijoux. Donc voilà, donc c'est un univers steampunk un peu ancien que j'aime bien avec cette dentelle, cette vieille dentelle aussi que j'amène dans mes bijoux. Et ainsi de suite. Qu'est-ce qui t'a mené à faire dans le bijou en fait ? Alors moi, j'aime bien la création. J'ai fait pas mal de choses dans mes études qui ramenaient à la création et ça rallie un peu le tout en fait. Ma passion pour la sculpture, les vêtements et ainsi de suite, ça rassemblait. Et en fait, j'étais une ancienne cosplayeuse et je voulais continuer à faire les conventions sans forcément faire du cosplay et être un peu plus posée, on va dire. J'adore cet univers de conventions et je me suis dit pourquoi pas faire un stand à vendre mes propres créations que je faisais déjà et je me suis lancée comme ça. Donc c'est ça ton parcours de base, enfin ou quel est ton parcours à la base ? Parce que je vois tu as aussi un petit peu de maquillage, mais tu fais plein de choses. Oui, je fais plein de choses en fait. J'ai fait des études de styliste et après je me suis rendu compte que le métier n'était pas fait pour moi et je suis partie dans le maquillage. Donc voilà, et puis je suis partie après sur la sculpture. Parce qu'en fait, le maquillage est fixe, ramène la sculpture, c'est de la sculpture avec du tirage et c'est exactement ce que je fais, bah, avec des figurines de manga. Donc oui, j'ai fait un peu de tout et voilà. Et ça fait combien de temps que tu fais ton activité là de créer ces bijoux ? Ça fait à peu près 2-3 ans qu'on fait les conventions de la région Alsace-Lorraine en fait, voilà. C'est tout. Voilà. Parce que tu as une boutique ? Alors non, j'ai pas de boutique, j'ai pas encore ma boutique en ligne, petit à petit elle se construit. Mais non, c'est vraiment par passion pour venir en convention et ça se limite à ça en fait. Pour l'instant, mais j'imagine que c'est en train d'évoluer, comme tu as dit que t'as pas encore ton site en ligne, donc j'imagine qu'il est en projet ou en construction. Il est en projet, oui, ça fait peut-être 2 ans qu'il est en projet, mais oui, il est en projet pour les... partager un peu plus tout ça parce qu'on me le demande souvent, vous vendez sur internet et bah non pas encore et du coup il faut vraiment que je mette ça en place, voilà. Et dis-moi, si un auditeur a envie de se faire une idée de ce que tu fais, est-ce que tu as peut-être une page Facebook, un Twitter ou un Instagram? Oui, alors c'est Atelier Yuki Ona sur Facebook, j'ai juste cette page pour le moment et le site il sera bientôt en place. Voilà. Mais écoute, merci beaucoup Aurélie. Je rappelle Yuki Ona, donc Yuki espace Ona, c'est bien ça. J'espère que tes créations attireront l'œil des auditeurs. En tout cas, tout ce que je peux dire, c'est que ça vaut le coup. Merci beaucoup pour ton intervention. Merci à toi. no toki no shitsuka na mune zero ni naru kara takamimi wo sumaseru ikiteru fushiki shindeku fushiki hana mo kaze mo machi mo minna onaji cosplay sur le thème de Ghibli dit forcément cosplay sur le thème de Ghibli, il fallait bien que j'en attrape. Et je suis face à Ruli et Kela-chan. Vous faites un petit couple d'une certaine manière, un duo sur l'anime, Le Voyage de Chihiro. Vous êtes respectivement en, bien entendu, Chihiro qu'on reconnaît et en Haku. Alors déjà, bonjour les filles. Bonjour. Salut. Alors, vous aviez décidé de faire le cosplay ensemble pour aujourd'hui ? Oui, on l'a prévu depuis un petit moment déjà. Et parce que vous avez déjà fait des cosplays ensemble avant ? Non, c'est la première fois qu'on a prévu de faire un duo toutes les deux ensemble. Et c'est la première fois qu'on se rencontre en vrai. Oui, c'est ça. Ah oui, on s'est déjà croisés à d'autres conventions et après c'est sur les réseaux sociaux, donc on a commencé à beaucoup discuter et on a prévu de faire ce duo aujourd'hui. Et ce duo, en effet, c'est un duo quand même tiré d'un seul et même animé, Le Voyage de Chihiro. Pourquoi avoir choisi cet animé-là ? Moi, parce que c'est un de mes préférés et que j'ai toujours aimé le personnage d'Haku, en fait. J'avais vraiment envie de le cosplayer. Et du coup, en fait, je l'ai poussé à faire Chihiro pour faire un duo avec moi, et voilà. Ouais, parce que c'est quoi tes Ghibli préférés ? Moi c'est le château ambulant, enfin j'aime bien aussi le voyage de Chihiro, donc vu que j'ai un très bel Haku pour m'accompagner, j'ai tout de suite accepté. Ah, forcément c'est l'occasion à saisir, vu que comme ça on les reconnaît, puisqu'après tout Haku tu es aussi le dragon dans l'animé, mais bon là je m'adresse aux connaisseurs et sinon aux auditeurs qui ne connaissent pas trop les Ghibli, je vous encourage vivement à les regarder. Ces cosplays là, vous les avez fait vous-même ? Alors non, j'ai acheté le cosplay aujourd'hui, j'avais pas le temps de le faire. J'ai acheté la wig et je l'ai stylisée par contre, du coup je l'ai coupée et tout ça. Et toi ? Moi c'est à peu près la même chose vu que bon, quand elle m'a prévenu c'était un peu la convention arrivée. Donc je l'ai acheté et par contre la perruque c'est un mélange de deux perruques. Et la réception face aux autres, on vous reconnaît quand même assez facilement ? Oui, pas mal. Oui, beaucoup. Vous avez fait le concours d'ailleurs ou pas ? Non. Non, on n'a pas participé au concours cosplay aujourd'hui. Il faut faire le cosplay main de Claire pour participer. Oui, c'est vrai, mais bon. C'est un premier pas après tout, un duo d'un Ghibli. Bah, écoutez, merci beaucoup les filles d'avoir répondu à mes questions. Mais avant qu'on se dise au revoir, est-ce que vous avez peut-être une page Facebook ou un Instagram là où les auditeurs peuvent peut-être voir vos cosplays ? Alors moi, j'ai une page cosplay Instagram qui s'appelle Ruli Cosplay. Et moi, j'ai une page Facebook, c'est Kela-chan Cosplay, et sur Instagram, simplement Kela-chan. Bah écoutez, merci beaucoup les filles. Take a look around lively old London. Buzzing crowds, we sweat and we revel. Red-cheeked shouts and songs in the flicker of the gaslight. Eager blighty bursts from the cobblestones, racing, climbing, blooming fertility, born from secret seeds that are scattered in the night time. London is fed upon the meat of the dead. They're one shallow inch below the town. Underground, underground, leave them underground. Them that whispered dreams that only poisoned us, them that told us lies of their bravery, them that preached of progress and put us in the poorhouse, them done horrid murder on bloody stages, them that loudly crowed their humility, lords and dames that sung in the chapels on a Sunday. All quiet now, their mouths are stopped up by mud. They lie flung in rags and make no sound. Underground, underground, leave them underground. Those who fought for something better, those who taught by how they lived, loved ones taken long before their work was done. Underground, underground, leave them underground. Underground, underground, leave them underground. Underground, underground, leave them underground. Underground, underground, leave them underground. Qui dit cosplay dit culture geek, et qui dit culture geek dit jeux vidéo. Et jeux vidéo, je vais parler d'une licence très connue que tout le monde connaît un minimum de noms. Il s'agit bien entendu d'Assassin's Creed. Et j'ai en face un petit couple cosplayé en Jacob et Evie Fry. Donc ça, c'est Assassin's Creed qui se passe à Londres. Syndicate, c'est le combien celui-là, Thomas ? Sur les opus principaux, c'est le 6e, si on exclut Rogue et les opus secondaires. Voilà, comme ça on arrive un petit peu à situer le contexte. Bah, déjà avant toute chose, bonjour Thomas et Valentine, hein, on va commencer par bonjour. Le début. Alors vous êtes cosplayé en Jacob et Evie Fry, est-ce que c'est une première pour vous ? Non, c'est déjà la troisième ou quatrième fois que je suis cosplayé en Jacob, elle c'est sa deuxième fois en Evie. Et d'où vous est venue l'envie de faire un cosplay d'Assassin's Creed ? Ben, je suis un grand fan de toute la série, je les ai tous faits, sauf le dernier que j'ai pas encore fini jusqu'à présent. Et j'avais commencé par un cosplay simple, où j'avais juste un gilet avec de la licence Assassin's Creed, et j'avais une ceinture rouge autour de la taille, et puis je me suis dit pourquoi pas faire un personnage qui me plaisait bien. Donc au début j'avais pensé à Edward, qui était un de mes personnages principaux, personnages principaux que je préférais, et juste après j'ai découvert Syndicate, et là c'est vraiment une époque qui m'a plu, donc j'ai vraiment voulu faire Jacob, c'est un personnage qui m'inspirait, et je m'identifiais à lui en quelque sorte. Donc, Et après tout, pour resituer le contexte, ça se passe quand même pendant la révolution industrielle à Londres. Et dis-moi, je vois ton cosplay. Est-ce que tu as fait toutes les pièces main ? Alors, on va dire principalement oui. Le manteau, c'est à la base de la récup que j'ai grandement modifié. Donc, c'était juste un manteau en cuir et puis j'ai rajouté tous les détails, les boutons, j'ai modifié les manches, le dos, j'ai rajouté l'effet matelassé et tout. Sinon la chemise, c'est une chemise achetée, mais le gilet vert je l'ai fait moi-même, la ceinture rouge je l'ai fait moi-même, les guêtres je les ai en partie modifiées moi-même, c'était des très vieilles guêtres que j'avais récupérées qui datent de, je sais même plus de quelle époque elles datent. Donc c'est en partie fait main et en partie de la récup. Et toi Valentine, ton cosplay tu l'as aussi fait toi ou tu as récupéré, acheté? Alors c'est aussi de la récup, mais c'est plus Thomas qui a travaillé dessus parce qu'il sait mieux coudre sur le cuir que moi. Et moi j'ai que des bases en couture, donc j'aurais pas réussi à faire un truc aussi bien. En plus, non, je sais pas quoi dire de plus. Et qu'est-ce qui t'a donné l'envie de faire le cosplay avec Thomas? En effet, Jacob et Evie sont dans l'histoire un frère et sœur, donc c'est du même opus. Pourquoi l'avoir suivi en fait dans cet opus-là? Parce que de toute façon, j'ai prévu de jouer au jeu un jour. J'y ai pas encore joué, mais ça m'intéresse. Et c'est vrai que la tenue, elle est super jolie et c'était pour pouvoir être en paire, on va dire. Est-ce que vous comptez faire des petits concours ou faire d'autres conventions avec ces costumes-là ? Bah, les costumes sont déjà faits, donc ça serait dommage de ne pas les réutiliser pour d'autres conventions. Et hors après... de question. Ah, Valentine a parlé. La question est tranchée. Pour les concours, c'est compliqué. Moi, à la limite, ça ne me dérangerait pas, mais elle n'a pas vraiment envie de monter sur scène. Donc... Je suis trop timide, en fait. Oh, ça viendra peut-être avec le temps, en tout cas on verra, mais tous les deux ça fait longtemps que vous faites du cosplay. Moi plus longtemps que toi. Ouais, moi ça doit faire 2 ou 3 ans. Et moi, peut-être même 5, peut-être 5 ans, un truc comme ça, ouais. Ah oui, en effet, donc ça remonte, tu en as fait beaucoup des cosplays, Valentine? Alors en fait mes tout premiers c'était acheté sur internet avec ma maman, et c'est elle qui nous avait emmené à nos toutes premières conventions avec ma sœur. Et on a toujours aimé se déguiser, du coup après on a commencé à les faire nous-mêmes, à en coudre quelques-uns et avec notre mamie. Et ouais, on a toujours trouvé ça sympa et on a même encore d'autres projets. Donc, Et globalement, est-ce que quand on vous voit, on vous reconnaît tout de suite? On sait que c'est la licence Assassin's Creed ou est-ce que même on sait à quel opus ça se réfère? Bah oui, clairement. On a du succès. Les gens nous reconnaissent quand même facilement et puis il y a pas mal de personnes qui veulent nous prendre en photo. J'ai remarqué que les gens préfèrent prendre en photo des personnes en groupe plutôt que juste une personne, même si elle a un costume qui est bien réussi. Si c'est une personne seule, il y a moins de personnes qui le prennent en photo que si c'est un groupe de personnes qui appartiennent au même univers. Et dites-moi, si les auditeurs ont envie de voir vos cosplays, est-ce qu'il y a une page Facebook, une page Instagram, où aller pour les trouver? Alors, normalement, sur la page de l'événement, on retrouve pas mal de photos. Peut-être qu'on sera dessus parce qu'on a été pas mal pris en photo. Sinon, on peut vous envoyer si vous voulez. Non, on n'a pas encore fait de page Facebook, mais après tout, pourquoi pas, on pourra en faire une à la limite. Tant qu'on commence à... Ouais, on commence à avoir pas mal de photos. Donc... Eh bien, ce sera peut-être le début d'un autre projet. En tout cas, merci beaucoup Thomas et Valentine d'avoir répondu à mes questions et bonne continuation pour les autres conventions. Thank you. recycler en jouant. L'environnement, c'est une cause qui touche beaucoup de monde. Et je suis tombée à la Japan Addict sur un stand dédié à l'environnement. En effet, j'ai en face de moi Christiane du stand C'est moi qui l'ai fait, qui fait tout simplement des sacs et d'autres petits objets à partir d'objets recyclés. Bah, déjà, avant toute chose, bonjour Christiane. Bonjour. J'ai vu alors, vous avez des sacs, vous avez des petites corbeilles. Qu'est-ce que c'est exactement ? Ce sont des paquets de café que nous recyclons, c'est-à-dire que c'est découpé, en plus après tressé, et on fait des genres de cercles que l'on relie ensemble par un fil de pêche, et on fait des sacs, je fais des sacs, des corbeilles, avec de cette façon-là. Ça fait combien de temps que vous faites ça ? J'ai commencé à faire des sacs avec des paquets de café entiers, c'est-à-dire le paquet est entier, relié ensemble, et ça fait des sacs plutôt de faire des courses. Et puis après, peu à peu, j'ai évolué en regardant par-ci, par-là, et j'ai fait, c'est ça que ça fait bien 5 ans quand même. Ah oui, en effet. Et donc, c'est devenu votre activité principale ? Non, c'est un hobby, mais ça me prend beaucoup de temps. J'imagine. Et je vois aussi autour de votre cou, vous avez un collier avec des petites capsules de canettes. Il fallait quand même le faire pour trouver l'idée de recycler des capsules de canettes de cette manière. Oui, là aussi, je l'ai vu quelque part, sur Internet. Et puis, j'ai adapté après à ma façon. Donc, j'ai fait des colliers et des sacs. Alors, les sacs, c'est avec du crochet autour. Je les relie avec un crochet. Et puis, après, ça fait des sacs. Voilà. On essaye de pas jeter, de garder, d'en faire quelque chose. Et globalement, quelle est la réception en fait des gens qui passent devant votre stand ? Ah, ils trouvent ça très beau, c'est très bien fait, beaucoup de compliments. Moins d'achats, mais beaucoup de compliments, énormément de compliments. Oui, après tout, c'est une cause noble que de préserver l'environnement. Est-ce que vous avez une page Facebook sur laquelle les auditeurs peuvent peut-être aller pour voir votre travail ? Ben oui, je suis sur Facebook, il y a un truc, et à mon nom. Je donne mon nom, peut-être vous avez sous. Oui, c'est sur Abran Maillot. Et Abran, c'est H-A-B-R-A-N-T. Et Maillot, M-A-I-O. Christian. Et pour ceux qui ont peut-être envie de se déplacer, vous avez une boutique physique ? Chez moi. D'accord, donc c'est chez vous, mais c'est votre activité après tout, je le répète. Des sacs, des colliers, des petites corbeilles ou même des hérissons en matière recyclée à partir de livres, à partir d'emballages de café, à partir de canettes. Il fallait le faire, fallait trouver l'idée et c'est très bien. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup Christiane de m'avoir accordé votre temps. Merci beaucoup et au revoir. Merci. Parmi les nombreux dessins animés que les studios Ghibli ont publiés, ont sorti, il y a un de mes préférés, Nausicaa de la Vallée du Vent, pardon, et j'en ai trouvé deux qui sont cosplayés en Nausicaa et en, j'ai oublié comment tu t'appelles dans l'animé ? Asbel. En Asbel, et bien bonjour tous les deux. Bonjour. Alors, dites-moi, avant toute chose, c'est votre première convention ou pas ? Ah non, pas du tout, pas du tout. On a fait au moins 50. On est binôme depuis 2013, donc on a quand même beaucoup de costumes illustratifs et beaucoup de conventions illustratives déjà. Ah oui, en effet. Et cette année, ou du moins là pour la Japan Addict, vous êtes en Asbel et Nausicaa. Pourquoi avoir choisi cet animé-là ? Ben déjà parce que le thème de cette année c'est Ghibli, donc on voulait faire des personnages Ghibli. Et j'avais dans les anciens costumes mon costume de Nausicaa que j'ai fait il y a 6 ans je crois. C'est un de mes premiers cosplays parce que j'aimais bien ce personnage. Et comme mon binôme voulait m'accompagner, ben on a cherché un peu et on a trouvé le personnage de Asbel et on a fait son costume, quoi, voilà. Donc les deux costumes ont été faits main ? Faits main, oui, totalement, oui. Ah oui, en effet. Et d'après ce que j'ai compris, ça fait 5 ans que vous faites du cosplay ensemble. Vous avez fait quoi d'autre ? Oh là, de tout. Attends. On fait du jeu vidéo, donc on a déjà fait des prestas. On a déjà fait des armures de Minecraft, un Lego Jedi, pour moi surtout, c'est des grosses armures. Après niveau jeux vidéo, elle a déjà fait Aurora de Shadow of Light. Ouais, Aurora. Enfin, beaucoup. Voilà. J'ai fait Maléfique, du film. Disney aussi. Ouais, ouais. Moi niveau Disney, je suis un grand fan de Mickey, donc je dois avoir 3-4 versions de Mickey, donc j'essaie d'en faire une par an. Sinon on a aussi entre guillemets un catalogue manga donc qui est axé sur moi c'est plutôt du One Piece, hein. Je fais beaucoup de One Piece, je fais... Surtout du Yu-Gi-Oh quoi. On a fait beaucoup de costumes de monstres de Yu-Gi-Oh quoi. Une fois par an on fait un projet Yu-Gi-Oh et moi je fais de mon côté un projet One Piece. Je fais toujours un nouveau Zoro tous les ans. Donc, je dois être à ma 6e version de Zoro et encore j'en ai encore 2-3 autres de prévu encore dans les, dans les années à venir. Ah oui, donc Je fais un Zoro par an et celui-là il est sûr qu'il sera toujours fait. Et après voilà, j'essaie de trouver j'ai mes personnages qui me tiennent à cœur et après en fonction des animés qu'on voit ou des animés qu'on apprécie ou des thèmes, on adapte un petit peu les costumes qu'on fait. C'est parfois on tombe sur des coups de cœur sur internet, on trouve une image qui est superbe d'un personnage qu'on connaissait pas, un fan art ou une figurine qu'on connaissait pas et du coup on l'a fait. Donc tout dépend de ce qu'on voit aussi. Et d'ailleurs, Nausicaa, c'est votre Ghibli préféré ? Pour moi, oui, lui, il le connaît à peine. Oui. Non, moi celui-là que j'ai vu, c'était... Je crois que ça... Quel Ghibli, c'est ton préféré ? C'est sûr que j'ai bien aimé, mais alors c'est le seul justement que j'ai vu. Alors le nom m'échappe. C'est celui-là avec la jeune fille qui était dans l'eau, la jeune fille poisson. C'est Pony, je crois que ça s'appelle. Poyo. Voilà, Poyo. Sur la falaise. C'est voilà, ça, celui-là, je l'ai vu, il était beau à regarder quand même. Après les autres, je les ai regardés, mais bon, c'est pas pareil. En fait, Ghibli, j'aime bien tout ce qu'il fait. Après, j'ai mes préférences, comme dit Nausicaa, Château dans le ciel ou le château ambulant. Mais franchement, n'importe lequel il passe, je le regarde, quoi. Donc, j'ai presque tous les Ghibli en DVD sur mon étagère, pour dire. Et pourtant, je ne suis pas quelqu'un qui achète beaucoup des DVD. dites-moi, si un auditeur a envie de voir les différents cosplays que vous faites, vous avez une page Facebook ou une page Instagram ? On a nos pages perso. On n'a pas vraiment... d'autres qu'on connaît ont des pages cosplay. Mais nous, on a tellement peu d'amis, peu de familles qui sont sur nos pages que c'est plus consacré pour le cosplay, quoi. Donc voilà, c'est nos pages perso, mais pour le cosplay. Eh bien, dans ce cas, pour vous voir, je vais vous prendre en photo, comme ça les auditeurs pourront voir à quoi ressemblent Nausicaa et Asbel. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé votre temps. De rien, de rien. C'était un plaisir. Je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être vainqueur et gagner les défis. Je parcourrai la terre entière, battant avec espoir. Le Pokémon et leur mystère, et ce qu'elle donne. schéma. Elle pourra me briser. Car pour accomplir mon destin, je suis déterminé. Quand il faudra passer à l'action, mes amis seront là. Et tous ensemble, cosplay dit forcément cosplay et il y en a de toutes sortes. Il y en a des achetés, il y en a des faits avec les moyens du bord, il y en a des beaucoup plus impressionnants et là j'en ai un en face de moi, très impressionnant. Donc je suis face à Bloody Cosplay. Déjà bonjour Bloody Cosplay. Bonjour. Alors tu es en, à ce que je vois, tu es en Pokémon, alors je vais peut-être te décrire rapidement aux auditeurs. Tu es une espèce de grande armure bleue et dorée, tu as quelques pics sur toi, tu as des LED, tu as de la fourrure, tu as des griffes et tu as un immense bâton sur lequel j'ai reconnu en fait une Pokéball bleue. C'est ça qui m'a dit que tu étais en Pokémon, mais lequel exactement ? Je suis en cosplay de Karabaf, de la première génération de Pokémon. Et Karabaf, alors si j'ai bien compris, c'est un peu comme le nom Carapuce, c'est de la même famille hein ? Oui, tout à fait, c'est la même famille, c'est l'évolution de Carapuce. Et dis-moi, donc ce cosplay, il est vraiment super impressionnant. Déjà, d'où t'es venue l'idée de faire une adaptation ? Parce que clairement, c'est une réadaptation du personnage. Dans mon enfance, j'ai joué beaucoup à Pokémon et j'ai trouvé que le premier starter Carapuce a été une fascination et j'ai préféré le faire en évolution, en design, etc. Et c'est comme ça que tu as décidé, alors non pas de te déguiser en Carabaf, c'est bien ça. Te cosplayer, mais tu as vraiment fait une adaptation à toi. Oui, tout à fait, j'ai fait une adaptation, j'ai fait mon propre design. Je suis partie sur un design plutôt dans Valkyrie pour avoir un effet nordique et puis muter tout ça avec un Pokémon. Et ça t'a pris combien de temps pour faire ce cosplay-là ? Parce qu'il est quand même, il faut le dire, il est vachement impressionnant. J'ai commencé en février 2018 et je l'ai fini au bout de 4 mois avec 5 heures, si je fais globalement 5 heures de travail par jour. Ah oui, en effet, donc c'est un travail de longue haleine. J'imagine que pour ça, il a déjà fallu dessiner le costume, puis trouver avec quel matériau le faire, puis le réaliser. Donc comme tu l'as dit, ça t'a pris 5 mois, c'est ça ? 4 mois, oui, 4 mois. 4 mois, un travail plutôt intensif. Mais est-ce que tu en es à ton premier coup d'essai pour le cosplay ? Alors non, j'ai fait mon premier cosplay l'année dernière. Et j'y vais vraiment intuitivement. L'année dernière, c'était plus un exemple par photo. Et là, cette année, je l'ai fait par dessin, vraiment personnalisé. Et on peut dire qu'il est personnalisé, hein. Je crois voir que tu as ton armure a l'air d'être partiellement faite en tapis mousse. Tu as des LED sur toi, donc il a fallu quand même trouver des petites LED à accrocher partout. Tu as de la fausse fourrure, j'imagine. Tu as vraiment énormément de détails. Ça a dû demander un travail énorme. Oui, tout à fait. Et dis-moi pour les auditeurs qui ont peut-être envie de voir. Tes cosplays, parce que bon, tu as dit c'est ton deuxième cosplay, si j'ai bien compris. Tu en fais d'autres, donc tu as une page Facebook à toi ? Oui, j'ai une page Facebook, donc c'est Bloody Cosplay. J'ai aussi une page Instagram où je suis beaucoup plus active. Pareil, c'est Bloody Cosplay. Puis voilà. Bah écoute, merci beaucoup Bloody Cosplay pour toutes ces informations. Je suis certaine que les auditeurs seront très contents de voir comment tu as pu réadapter Carabaf. Merci. Merci à vous. Avec des t-shirts, des coussins, des culottes même, mais pas n'importe lesquelles en fait. Il y a dessus, peint à la main j'imagine, des items ou des éléments représentatifs de personnages de la culture geek. Et pour en savoir plus, j'ai face à moi Nouna, vu que Nouna c'est ton atelier. Bonjour Nouna. Salut. Alors explique-nous un petit peu ton travail, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste ? Eh bien, disons que je suis un petit peu comme une tatoueuse, mais sur textile. Je peins à la main des motifs, donc c'est une peinture spéciale qui résiste au lavage et qui est appliquée au pinceau comme sur une toile. Et c'est personnalisé. En fait, vous pouvez me demander ce que vous voulez et il faut laisser libre cours à votre imagination, c'est la seule limite. Donc en fait, toi aussi, ta seule limite, c'est le travail sur le textile, si j'ai bien compris. Mais mis à part ça, tu fais vraiment tout, donc t-shirt, sac, pantalon, parce que j'ai vu des sacs aussi. Des sacs, ça peut être des baskets, des casquettes, des tabliers de cuisine, des toques de cuisine. Je travaille aussi pour les entreprises. Après, ça peut être... À partir du moment où il y a du coton, il n'y a pas de limite. Par contre, c'est vraiment réservé, oui, sur le tissu. Et ça fait combien de temps que tu fais ça ? Là, j'ai 2 ans et demi d'activité. Par contre, je dessine depuis que je suis toute petite. Depuis que je peux tenir un crayon, je ne me suis pas arrêtée. Et d'où t'es venue en fait l'idée de créer ces, ou même on va dire d'améliorer les textiles que tu travailles ? Alors la vérité c'est que j'aime beaucoup l'univers Disney dans un premier temps et que je me baladais beaucoup dans les boutiques Disney Store, Disney Village et que pour moi les vêtements étaient hors de prix. Des t-shirts à 50€, 60€, c'était un prix que je trouvais pas concevable de mettre dans des vêtements, donc j'ai commencé à essayer de dessiner des motifs connus pour pouvoir avoir des t-shirts à moi à pas très cher. Et après, je me suis rendu compte que je pouvais en faire profiter mes amis. Et mes amis m'ont motivé petit à petit à me dire monte ta boîte, il y a quelque chose à faire. Et voilà, j'en suis là. Et donc, c'est comme ça que maintenant tu as monté ta boîte, si j'ai bien compris, ça fait 2 ans. Où se trouve ton atelier ? Parce que j'imagine que tu as un atelier fixe. C'est ça. Alors moi, j'habite en Savoie, donc entre Chambéry et Grenoble. Et je travaille à la maison, j'ai ma petite pièce à moi. Et par contre, je vends beaucoup sur Internet. C'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Et j'essaye de faire des conventions pour rencontrer des personnes au moins une fois par mois et à travers toute la France. Et généralement, j'imagine que par le biais des conventions, ça continue à faire connaître ton activité. Oui, ça marche pas mal et aujourd'hui je vis vraiment pleinement de cette activité, j'ai pas d'autres rentrées d'argent, donc ça marche vraiment bien, ça marche de mieux en mieux, je suis très contente, enfin, je suis heureuse de vivre de ma passion et de mon rêve. Ah bah écoute, on est très content pour toi et si un auditeur a envie de voir un petit peu ton travail ou d'acheter un des textiles que tu améliores, ça se passe par où ? Eh bien, il suffit de me retrouver sur les réseaux sociaux. Je suis sur Snapchat, Nouna080815. Je suis aussi sur Instagram et sur Facebook, Nouna Factory. Et en fait, il suffit simplement de m'envoyer un petit message privé et de me dire ce que vous aimeriez, ce qui vous ferait plaisir. Je vous fais un petit devis personnalisé, on le réalise ensemble et je vous le fais livrer chez vous dans votre boîte aux lettres. Bien, merci beaucoup pour toutes ces informations, Nouna. J'imagine que les auditeurs ont tout ce dont ils ont besoin. En attendant, je te laisse à tes autres clients. Après tout, avec tes si jolies créations personnalisées. Merci, Nouna. Merci à toi. À bientôt. J'ai attrapé ma première cosplayeuse à la Japan Addict Z édition spéciale Ghibli. Mais le cosplay que j'ai en face de moi, ce n'est pas un cosplay des studios Ghibli. C'est un jeu vidéo tout autre, hein, un jeu vidéo d'anticipation. Il s'agit du jeu vidéo Nier Automata. Et voilà, j'ai en face de moi quelqu'un qui est cosplayé en 2B. Alors, bonjour Kathleen avant toute chose. Bonjour. Dis-moi, d'où t'es venue l'envie de te cosplayer en 2B? Alors l'idée est venue en regardant un stream sur Twitch d'un streamer que je suis depuis 2-3 ans maintenant. Et je connaissais déjà le jeu de base et les 30 premières minutes que j'ai regardées m'a donné envie de connaître davantage l'univers. Et le peu que j'ai vu m'a fait accrocher le personnage de 2B. Et c'est un jeu où je vais me dire, je vais pas me spoiler, je vais le jouer moi-même, je vais le savourer moi-même. Voilà. Et donc, tu l'as fait, tu y as joué ? Non, toujours pas, parce que faut que je m'achète la console, que je répare mon PC et que j'achète le jeu ensuite. Mais c'est dans les prochains mois, c'est fait. Mais alors, dis-moi, mis à part le fait d'avoir déjà été séduite par les 30 premières minutes du jeu, qui n'est pas rien, après tout, pourquoi avoir choisi de te cosplayer en 2B ? Bah, j'aime en fait les personnages féminins qui se laissent pas marcher sur les pieds. Disons que c'est pas le cucu, la praline, oh mon dieu, je suis en danger, faut venir m'aider. C'est quelqu'un qui est déterminé, qui fait son boulot et qui est forte. Elle a quand même une personnalité qui m'a touchée personnellement. Et tu en as rencontré d'autres, des Toubi ou d'autres personnages de ce jeu-là ? Aujourd'hui, non, mais de ce que je sais, de ce que j'ai pu voir sur Facebook, il va avoir un 9S et un opérateur 210 demain à la convention. Ah, bah on a hâte de voir ça, donc peut-être que tu feras quelque chose avec eux. Et en attendant, tu ne défiles pas sur scène aujourd'hui ? Non, à la base, j'avais possiblement pensé, mais avec le boulot à côté, c'est un peu compliqué de préparer quelque chose pour un concours. Parce que le concours, quelles sont les conditions en fait pour faire un concours de cosplay, surtout ici ? Bah, l'avantage, en fait, je dirais, vous avez un petit bonus si vous faites vous-même. Vous avez au moins la fierté de porter votre costume fait de main, de votre propre main, de le montrer sur scène, de l'exposer. Avoir une bonne qualité son par rapport au scène, parce qu'il y en a certains, de mémoire, je sais que je me bouchais les oreilles tellement la qualité audio était horrible. Et surtout, il faut vous montrer passionné. Je dirais que c'est les qualités qu'il faudrait pour faire les concours. Et c'est quand même ce que tu montres, hein. Tu es passionnée par un jeu que tu n'as peut-être pas encore fait mais qui t'a déjà séduit. Je répète, tu es en Toubi de Nier Automata. Tu as fait beaucoup de cosplay jusque-là ou beaucoup de conventions ? Conventions, oui, des cosplays très peu. J'en ai une, j'ai Jack des 5 légendes, Jeff the Killer qui est une creepypasta et Mangle de Five Nights at Freddy's 2. Donc plus Toubi, ça fait 4 en tout. Ah oui, donc ça fait beaucoup. Écoute, merci beaucoup Kathleen d'avoir répondu à mes questions. J'imagine que tu as peut-être une page Facebook ou un Instagram ? Non, j'ai pas de page Facebook pour mon cosplay, mais je suis vraiment trop amatrice pour vraiment pas dire que je suis une vraie cosplayeuse. Je suis vraiment purement amatrice, j'achète moi-même. J'ai acheté mon costume là pour cette convention, mais peut-être à terme, dès que j'aurai plus d'expérience dans tout ça, je me ferai peut-être une page. Eh ben, on a hâte de voir ça. Merci beaucoup Kathleen de m'avoir accordé ton temps. Bah, pas de soucis, mais heureuse d'avoir pu répondre à tes questions. Thank you. cosplay dans l'univers de Ghibli dit forcément Totoro, c'était prévisible. Ça y est, j'en ai trouvé une en Totoro, un très beau Totoro d'ailleurs. Mais avant toute chose, dis-moi, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Émilie. Émilie, bonjour Émilie. Bonjour. Alors toi, tu es en Totoro, mais contrairement, parce qu'on en a quand même croisé quelques-uns, des Kigurumi Totoro, toi tu as une autre version de Totoro, tu as un bâton plein de fleurs, tu as une perruque avec un bijou de tête, tu as une robe, c'est une réadaptation ça. Alors oui, j'ai choisi d'humaniser Totoro, donc à la place de faire le Totoro l'esprit de la forêt, donc version animale, j'ai fait version esprit de la forêt humaine, en femme. Donc j'ai choisi de prendre un bâton avec lequel j'ai décoré avec des fleurs, des bâtons, des branches, pour pouvoir faire l'esprit de la forêt, et le bijou pour montrer qu'on est que Totoro est le roi de la forêt en fait. Ah oui, un peu comme une couronne. Voilà. Et dis-moi, ça t'a pris du temps pour faire ce cosplay ? Parce qu'il y a quand même une robe en fourrure, là. Alors, j'ai pris à peu près une journée. Mm-hmm. Après, ça dépend le tissu qu'on utilise. Moi, j'ai pris une journée parce que c'est un tissu assez simple à coudre, avec sur lequel j'ai mis de la polaire et de la dentelle, simplement. Et il suffit d'avoir le patron. C'est une robe basique, en fait. Mais ça doit tenir chaud, tout ça ? Oui. Oui, parce que la fourrure, c'est la version hiver de base. Mais pour la spéciale Ghibli, j'ai choisi de changer la version hiver en version plus été pour permettre d'avoir la version douce. Ah oui, et j'imagine que quand les gens te voient, ils te reconnaissent. Alors ça dépend, il y a beaucoup de personnes, malgré qu'ils viennent à Japan pour les Ghibli, ils viennent pas forcément connaissant Totoro, donc ils cherchent plus ces personnages comme Luffy dans One Piece et tout ça. Donc Totoro, version humaine, n'est pas toujours reconnu. Mais d'ailleurs, dis-moi, c'est Totoro ton Miyazaki préféré ? Oui, oui, oui, oui, c'est Totoro. Donc oui, c'était plutôt naturel pour toi de faire ce cosplay-là plutôt qu'un autre pour la Japan Addict Z édition spéciale Ghibli. Voilà. Donc, mais j'en avais fait d'autres avant dans les Japan Pocket. J'avais fait une version plus simple pour l'été avec une robe en tissu gris seulement. Et du coup, oui, c'est venu naturellement. Ghibli, Totoro, c'est vraiment mon Miyazaki préféré. Ah, tout simplement. Dis-moi, si un auditeur a envie de voir les cosplays que tu fais, parce que tu en as fait d'autres ? Alors oui, je travaille sur des cosplays autres. J'ai fait des Disney, fait Clochette, Esmeralda. J'ai fait aussi des mangas avec Madoka. Mais je fais aussi dans tout ce qui est événements carnaval vénitien. Donc je crée les robes vénitiennes et on peut me trouver facilement sur Facebook avec les cosplays d'Emmy. Ah, les cosplays d'Emmy, donc on verra ça. Et bien entendu, les auditeurs pourront voir aussi une photo de toi qui sera mise sur la page Facebook assez rapidement. En tout cas, merci beaucoup, Émilie, de ta contribution. Mais de rien, c'est un plaisir. Ah, ça y est, vous l'avez entendu, le générique a débuté. Et qui dit générique dit déjà moment de se dire au revoir. Et avant, c'est peut-être aussi l'heure de faire la programmation de la soirée. Donc on retrouvera Marcus à 20h pour l'émission Jukebox. Puis ce sera 23h Rock à la Casbah. Et on se retrouvera demain matin 7h-8h pour la rediffusion de l'émission que vous avez écoutée à l'instant. Pour ceux qui n'ont pas la patience d'attendre demain matin, elle sera aisément écoutable, aisément téléchargeable sur notre site radiogemozo.eu, rubrique émission et rediffusion, puis l'heure des loups, ou sinon sur notre page Facebook Radio Gemozo. Vous pouvez passer par ordi, tablette, smartphone, tous les systèmes d'exploitation fonctionnent, il n'y a aucun problème. Et d'ailleurs, tant que j'y pense, pour ceux qui veulent me réécouter ou écouter les autres émissions, bien entendu, vous pouvez aussi, alors via le 107, ça vous le savez, mais aussi via notre page internet. On a un lecteur internet et on passe aussi entre autres par l'application Radio Line, elle est gratuite, elle est aussi compatible pour les différents systèmes d'exploitation. Enfin bref, je disais, vendredi après la rediffusion, ce sera la chronique de Mathilde, puis à 8h30, la matinale de Marion qui vous racontera le programme de la journée de demain. Et demain, on est vendredi. Qui dit vendredi dit billet de sortie. Alors, il y a encore un peu de boulot pour ce billet de demain, mais encore une fois, musique, interview, vous avez l'habitude. Donc, on se retrouve demain, même heure. Mais en attendant, encore merci à toutes les personnes qui ont participé, hein, donc l'association Kakemono pour son invitation, l'atelier du Kiona, Luna Factory, Bloody Cosplay aussi, la personne de C'est moi qui l'ai fait, dont j'ai malheureusement pas trouvé la page Facebook, il y a Ruli Cosplay et Kela Chan Cosplay, les cosplays d'Emmy, Valentine et d'autres cosplayers plus ou moins anonymes. Enfin voilà, merci beaucoup, c'était vraiment très sympa et j'espère que ça vous a fait plaisir de passer ce moment avec moi dans cette journée culture Japon. On se retrouve demain, même heure. Bonne soirée à tous.